The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Wait. L'attente. In order to. Afin de. Representative. Le représentant. Sales. Commercial. Line of business. Le secteur d'activité. Now, a bit faster. Line of business. Le secteur d'activité. Wait. L'attente. In order to. Afin de. Sales. Commercial. In order to. Afin de. Line of business. Le secteur d'activité. In order to. Afin de. Sales. Commercial. Wait. L'attente. In order to. Afin de. Now, use the words in context. L'attente. I hate when people shove me when I'm waiting in line. Je déteste quand des gens me bousculent dans la file d'attente. Afin de. You should do an internship abroad to improve your working knowledge of the language. Vous devriez faire un stage à l'étranger afin d'améliorer votre pratique de la langue. Commercial. He was reimbursed for the ticket because the plane was late. A commercial act of kindness. Comme l'avion était très en retard, il s'est fait rembourser le billet. Beau geste commercial. Le secteur d'activité. Biofuels is a line of business that is growing in leaps and bounds. Les biocarburants sont un secteur d'activité en pleine expansion. Le représentant. The president of the French Republic is the representative of the entire nation in the eyes of foreign countries. Le président de la République est le représentant de toute la nation aux yeux des pays étrangers. Commercial. He was reimbursed for the ticket because the plane was late. A commercial act of kindness. Comme l'avion était très en retard, il s'est fait rembourser le billet. Beau geste commercial. Le représentant. The president of the French Republic is the representative of the entire nation in the eyes of foreign countries. Le président de la République est le représentant de toute la nation aux yeux des pays étrangers.